isolé du monde. Je crie mon désespoir, ma déroute, ma déchéance. Sous les draps, je grelotte, de mon front la sueur coule. Mon corps me fait mal, encore un peu de coke, et tout irait pour le mieux. Je tombe, oh je retombe après l'extase. Seul dans cette chambre sans décor, l'écho de mes cris de douleur me fait tout aussi peur. Et tout au long de la journée, comme dans un rêve éveillé, mon esprit embrumé entre folie et réalité, malgré moi m'a emmené. Qu'ai-je un jour promis pour encore une fois? Qu'ai-je bien pu faire pour encore une fois? Jouir de cette poudre magique. Je tombe, oh je retombe après l'extase. Seul dans cette chambre, isolé du monde, l'écho de mes cris de remords déchire ce silence de mort. Que sont devenus mes chers parents? Où sont partis mes amis d'antan? Où est la fille que j'ai tant aimée il y a si longtemps? Dans ma tête, les idées s'embrouillent. Je ne sais plus où je suis, je ne sais plus qui je suis. Les fumées de mon opium ont emporté mes souvenirs. Que vais-je maintenant devenir? Je tombe, oh je retombe après l'extase. Dans cette chambre sans décor, l'écho de mes cris d'angoisse résonne dans la nuit noire. Je tombe, oh je retombe après l'extase. Je tombe, oh je retombe après l'extase.